Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Raconter le monde, une série d'Arnaud Contreras réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a des générations de voyageurs et les écrits de ceux qui rentrent. Mais parfois, le voyage commence en bas de chez soi. Alors pour commencer, les personnages. Un aventurier dans son quartier, une exploratrice du réel, un reporter en banlieue, une romancière sur une piste, une musicienne en vadrouille, Homer, Ella Maillard et Blaise Sandrars. Ensuite, le décor. La goutte d'or, l'exotisme encore, des bars, des jardins ouvriers, la boue, l'Afghanistan, des lions, des reportages, l'autostop, de la musique, des carnets, le fleuve Congo, une histoire d'amour, Rimbaud et les Ardennes. Aujourd'hui, quatrième épisode, on sort de chez soi. Racontez le monde. La littérature d'aventure est au coin de la rue. Vous allez vers quoi? Qu'est-ce que vous voulez voir? On voudrait bien aller vers Tombouctou. Ok, tu sais où c'est, hein? Arnaud Contreras, Jean-Philippe Navin. La rue de Tombouctou, comme j'ai pas la mémoire des plans, j'ai un bon sens de l'orientation, mais je confonds toujours les rues. T'es sûr que c'est par là? Ils ont en commun le goût des mots, du grand dehors et parfois de la fête. Leurs romans, comme leur quotidien d'écrivain voyageur, dépoussièrent le milieu dit de la littérature de voyage. Chacune de leurs aventures est un moyen de parler de littérature et de faire voyager lecteurs et auditeurs. Dans leurs ouvrages, ils se mettent fréquemment en scène, mais toujours avec un certain second degré, à l'encontre des auteurs de la littérature d'aventure qu'ils ont lus, mais en lesquels ils ne se reconnaissent absolument pas. Pour elles, pour eux, la littérature, le voyage, l'ailleurs, l'aventure, commence au coin de la rue. Là, c'est peut-être le square. Attends, va, je vais googliser ça. Parce qu'en tant qu'écrivain voyageur, grand aventurier, maintenant, t'as plus de cartes dans ta poche. Hein. Non, et puis... Non, mais le truc, c'est que, comme je disais, j'ai un bon sens de l'orientation, mais je suis distrait avec les noms des rues. Guillaume Jean, on est dans ton quartier. C'est Barbès, plus précisément la Goutte d'Or. Quartier assez électrique. Globalement, les gens se connaissent et se mélangent bien. On se reconnaît. Bon, il y a des blancs, des noirs, des jaunes, des beiges, des rouges. On reconnaît tout de suite quelqu'un qui ne vient pas du quartier. Alors avant, j'habitais à rue de Suez. C'est à 100 mètres d'ici. C'est beaucoup plus africain, beaucoup plus paisible. Et je préférais cet endroit, mais quand on a eu nos enfants, on a déménagé dans un appartement un peu plus grand. C'est ce qui nous a amené ici. Quand on te dit l'aventure au coin de la rue, c'est vrai dans ce quartier? Ah ouais, ouais, ça fait 23 ans que je suis à Paris. J'ai vécu dans différents quartiers qui m'ont plu sans plus. Mais quand j'ai mis le pied dans ce coin de Château Rouge, Goutte d'Or, j'ai trouvé mon équilibre, quoi. Effectivement, le côté aventure, exotisme, si on veut. Ouais, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a de l'ambiance jusqu'à très tard, le soir. À côté de ça, on est tout près de Montmartre, par exemple. Et c'est quand même... Je parle pas du Sacré-Cœur, mais la butte, c'est... J'y vais souvent en balade avec mes enfants, par exemple. Et il y a aussi plein de bars, des bars africains qui sont très discrets, qui ont à peine une enseigne, mais à l'intérieur, si c'est un bar camerounais, tu te sens au Cameroun, quoi. Et si c'est un bar ivoirien, pareil. Je te parle pas des bars congolais. Sandra Renflet, on est dans ton quartier. Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on dirait un flet ? C'est moins exotique, mais... Bien sûr. On est à côté des jardins ouvriers du Fort de l'Est. On va visiter ces jardins ouvriers et voir ce monde qui est au coin de ta rue. On va par là ? C'est boueux. C'est un ressenti très physique. Et ce qui est surtout assez étrange, c'est que de parcelle en parcelle, il y a des choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que tu as des jardins hyper organisés, entretenus, et là, il y a une sorte, par exemple, de champ de roseaux avec un micro-marécage. Je ne sais pas si quelqu'un les a plantés ici, c'est très étrange. Il y a plein de restes de carrelage. On est dans ton quartier, mais on t'emmène en voyage dans un endroit que tu connais pas. C'est surréaliste, parce qu'on est juste au bord de la cité du Framboisin. Et donc, c'est une cité avec des tours, des usines, tout ça. On a franchi une petite porte en métal vert. Et là, on est dans un, je sais pas comment dire, un espèce d'immense jardin entouré de murailles. Donc, j'imagine que ça, c'est les murailles du Fort de l'Est. Et puis, il y a plein de petites cabanes. On a l'impression d'être, je sais pas, dans un jardin d'arrière-grand-mère dans les Vosges avec des clapiers, des petits potagers et... J'imagine que c'est des jardins partagés, vu les petites clôtures. J'adore, on n'a vraiment pas l'impression d'être entre le Framboisin et l'Ain. On entend bien la route. C'est drôle d'être au milieu de ces jardins et d'entendre l'autoroute comme ça, qui a l'air de passer juste à côté. C'est un peu bizarre parce que t'as l'impression que tout est en jachère. Du coup, tu peux imaginer qu'il y a eu une vie parce que voilà, il y a des chaises là juste à côté de moi. Il y a une chaise inamovible tellement elle s'est ancrée dans le sol. Mais on imagine bien qu'avant ou peut-être après, il y a ou il y aura des gens qui viennent ici. Alors, est-ce que vraiment ils cultivent les jardins ? Est-ce qu'ils viennent boire du rosé les jours d'été ? Je sais pas, mais on a l'impression d'un monde arrêté. Et ça donne très envie de revenir à toutes les saisons, ça, pour voir si il y a vraiment un moment des humains qui pénètrent ici. Si tu devais nous raconter ton métier, qu'est-ce que tu dirais ? Eh ben, j'ai mis des années à réussir à le faire, parce qu'on m'a toujours posé cette question. Parce que écrivain, photographe, chanteuse, voyageuse, c'est pas vraiment un métier. Depuis quelques années, sur ma carte de visite et sur mes formulaires AGSA, j'écris que je suis inventeuse d'histoires vraies. C'est-à-dire que je pars toujours du réel. Il y a toujours une matière documentaire en voyage, mais en voyage qui peut être à Saint-Denis ou à Port-Moresby, peu importe. Et ensuite, je choisis l'outil pour mettre en scène ce réel. Donc il est toujours un peu déformé ensuite. Je suis pas journaliste, même si je crois qu'on déforme toujours, quoi qu'il en soit, en choisissant un mot, un cadre ou un autre. Mais du coup, après, j'imagine, est-ce que ce sujet-là, j'arriverai mieux à le raconter avec de l'image, avec du texte, avec du son, de la musique, ou un petit peu des deux, des trois? Donc je suis pas ou écrivain, ou photographe, ou chanteuse, ça dépend. Julien Blangras, je suis journaliste, reporter et auteur. J'écris des livres, des récits et des romans de voyage, pas seulement, mais principalement des romans et des récits de voyage. On se trouve Passage Gautier, qui est une sorte de petite impasse du 19e arrondissement dans le quartier des Buttes de Chaumont. Pas très loin de l'endroit où j'habite, vraiment pas très loin. Est-ce que tu as déjà écrit sur ce quartier ? Alors, il se trouve que mon dernier livre n'est pas un livre de voyage. Il s'appelle « Comme à la guerre », donc ça n'a vraiment rien à voir. C'est une chronique de la paternité à Paris entre 2015 et 2018. Donc, ça se passe principalement dans mon quartier. Pour la première fois, j'ai écrit sur ma ville, sur mon quartier, et j'ai décidé de traiter ça de la même façon que quand je voyage à l'autre bout du monde. J'essaye d'avoir le même regard quand je décris la rue en bas de chez moi et les îles Kiribati ou le Groenland. Alors j'essaye de voir le monde avec humour. Je crois que ce sont des lunettes qu'on peut chausser pour voir le monde. Ça met évidemment une distance, c'est aussi une sorte de bouclier pour se protéger de ce qui peut nous heurter dans le monde. J'essaye de voir le monde en tant que... Bah, comme tous les gens dans le métier, la fonction est de raconter le monde. J'essaye d'avoir une position d'observateur, probablement plus que d'acteur. Donc voilà, je suis toujours un petit peu en retrait, à distance, j'essaye de participer aux choses, mais surtout les regarder un peu, pas de haut, mais avec un peu de distance pour comprendre les enjeux. Est-ce que tu as besoin d'aller vers des destinations où tu sais que tu auras cette forme de rire, cette forme de rencontre autour du rire ? Non, c'est pas l'impulsion initiale. Je ne voyage pas en disant « tiens, on va aller rigoler chez un tel ou un tel ». C'est en racontant après qu'avec la matière que j'ai accumulée, qui n'est pas forcément drôle au premier abord, que je choisis de la traiter avec un œil qui peut éventuellement susciter un sourire chez mon lecteur, s'il est de bonne humeur. Je sais pas, en fait, c'est ma façon de raconter le monde qui... et de vivre au quotidien, en fait, hein, qu'il y a toujours un soupçon d'ironie et de distance quelque part. Et l'ironie, je pense que ça fonctionne que si on est soi-même doté d'autodérision. Quand je raconte mes aventures à la première personne, je peux pas m'empêcher de me mettre la plupart du temps dans une position un petit peu de candide, qui est souvent un peu ridicule. Donc voilà, si je me permets d'avoir un regard amusé sur les autres, c'est parce que je l'ai sur moi-même. Premier grand voyage en solitaire, j'avais 18 ans et c'était par rapport à Gabriel Garcia Marquez. Donc je suis allée en Amérique du Sud une fois et c'est pas du tout ma zone, on va dire, c'est pas là où j'ai mes antennes. Mais le premier grand voyage a été celui-ci entre le Pérou, la Bolivie et l'Équateur. Et ça c'était vraiment par amour pour un livre qui est L'amour au temps du choléra. Alors en même temps je ne suis pas allée en Colombie, donc mon projet était moyennement cohérent, mais c'était vraiment voilà, l'envie de retrouver ces atmosphères, l'envie de mettre le pied sur ce continent. Je suis Ingrid Taubois, je publie des livres depuis plus de 10 ans, des romans, pour les adultes, pour la jeunesse aussi, et j'ai pas mal voyagé. Au départ, par rapport à des écrivains, ce sont les écrivains et la littérature qui m'ont fait partir en voyage. Puis j'ai beaucoup travaillé dans les centres culturels, instituts français pour animer des ateliers d'écriture. Néanmoins, je vis à Paris. Ensuite, en effet, quand je suis partie pendant une année en 2001-2002 pour un voyage, donc on va dire au long cours, c'était par rapport à l'écrivain Nicolas Bouvier, sur lequel je dirais que je travaille depuis 20 ans, quand bien même c'est purement intime et uniquement pour moi, mais voilà, c'est un auteur avec lequel je me suis construite, qui m'a fait partir, qui m'a notamment ensuite fait partir en Afghanistan. Et mon premier roman découle de cette expérience en Afghanistan. Donc je dis souvent que sans ma rencontre avec l'œuvre de Nicolas Bouvier, je ne l'ai pas rencontré lui, il était décédé l'année d'avant. J'aurais eu une vie complètement différente, sans doute. Pourquoi est-ce que tu vas vers cet auteur à 18, 19, 20 ans ? Je pense que c'est ce qu'on peut appeler un choc esthétique, mais pas seulement. C'était sur l'île Sainte-Marguerite, il y avait en fait une expo de photos pour moi. Donc je prends le bateau, je vais voir cette exposition de photographie dans laquelle il y avait aussi des textes imprimés comme ça sur des grands panneaux. Donc je découvre à la fois les photographies de Nicolas Bouvier et des extraits de ces textes. Et puis l'expo était magnifique. C'était Pierre Starowinski qui était le commissaire de l'exposition et qui avait mis dans les différentes salles des petites boîtes qu'on pouvait ouvrir et qui contenaient des odeurs. Donc on avait l'odeur du bitume de Tabriz, l'odeur du thé de Chine, enfin bon... Et moi, âgée de 19 ans, avec donc le voyage quand même assez déjà présent dans ma vie, cette exposition, elle m'a complètement transportée au plan des sens. C'est-à-dire qu'il y avait et la photo, et le texte, et puis ses odeurs. Enfin, je découvrais vraiment un univers. Et au-delà de ça, et je pense que c'est ce qui a été en fait le plus important, et qui explique pourquoi pendant 20 ans ensuite, je continue à vivre avec cette œuvre-là qui m'accompagne, c'est il y avait la projection du documentaire de Patricia Plattner qui s'appelle « Le hibou et la baleine » et dans laquelle on voit Nicolas Bouvier pendant à peu près une heure. Donc il est filmé, interviewé et il s'exprime à la fois sur les auteurs qui l'ont influencé, sur sa conception de l'existence mais sans rien de pompeux parce que Nicolas Bouvier était... quelqu'un qui a passé sa vie entière à essayer de se départir de son ego. Et ce documentaire qui passait en boucle, comme ça, sur un écran, je suis restée assise devant et je l'ai regardé, je ne sais plus, 4 ou 5 fois. Et le premier sentiment, ça a vraiment été un sentiment de ne plus être seule. Alors j'étais très jeune, j'avais 19 ans, mais c'était vraiment ce sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui portait des idées, des valeurs et qui avait une position dans le monde qui était celle que je portais confusément et que j'étais bien incapable d'exprimer à l'époque. Et je pense que c'est vraiment ça qu'a... Je veux dire que j'en ai lu plein des écrivains qui avaient voyagé, mais je n'ai ce rapport-là avec aucun d'entre eux, ni Ella Maillard, ni Alexandra Lavinel, ni Blaise Cendrars, ni... voilà. Richard Guettet, vous êtes écrivain. Quand on regarde les adresses des écrivains et voyageurs du siècle passé et des siècles passés, on est plutôt dans l'ouest de Paris. Il y a un mouvement vers l'est des écrivains voyageurs. Les écrivains voyageurs que moi je connais, vivant sur leurs deux jambes, hommes et femmes, en fait ils habitent plutôt Paris Nord, soit plutôt vers Barbès, Châteaurouge, soit plutôt justement les buts de Chaumont. Moi j'ai l'impression qu'on peut pas faire de la bonne littérature si on ne parle que de gens qui nous ressemblent. Voilà, ça je suis sûr. Donc c'est pour ça que je suis content d'habiter dans un quartier comme celui-ci, parce que à n'importe quel coin de rue, bah il y a des gens qui me ressemblent pas, qui ont pas grandi forcément par ici, et donc automatiquement ça m'oblige à affûter mon regard, enfin en tout cas d'être pleinement attentif à tout ce qui se passe, à ce qu'ils ont à dire, à... et même dans les plus petits détails, la manière, le rythme de leurs phrases, les mots qui sont utilisés. Donc oui. L'aventure commence en bas de chez soi quand on habite dans ce type de quartier. Ouais, ouais. J'habite ici depuis environ 10 ans. Grosso modo, on est entre Belleville et Père-Lachaise, qui ont été sur les deux quartiers qui se ressemblent en fait de par leur mixité sociale, de par l'organisation vraiment des rues. J'aime bien le fait que ce sont des quartiers qu'on peut grimper, ce sont des collines. Là, on est rue de la Mare. Et j'ai appris récemment que c'est là qu'a vécu Pierre Desproges pendant genre 20 ans. Donc je me sentais un peu inspiré, possédé, visité quasiment par cet homme-là. Même si c'est pas un écrivain voyageur. Loin de là d'ailleurs, je crois que c'est même quelqu'un qui détestait le voyage. Mais je suis vraiment fou amoureux de ces endroits. Qu'est-ce que c'est l'exotisme dans ce quartier, Guillaume Jean ? Des sons, des odeurs, des histoires que les gens te racontent ou que tu vis avec eux. Il doit y avoir une trentaine de nationalités, peut-être beaucoup plus. Et tu vois, là, on vient de passer devant des vendeurs de menthe et d'herbes aromatiques. Commerce de nourriture africaine, une librairie musulmane, un tabac tenu par des Chinois, le square Alain Bachung, qui est devenu une ferme urbaine. Et là, on arrive à la gare du Nord. On arrive surtout à Tombouctou. Rue Tombouctou. J'aimais les histoires, mais moi, je ne me voyais pas spécialement voyageur. Ensuite, il y a un livre qui a beaucoup compté pour moi, et on va parler d'Afrique, c'est Le Lion de Joseph Kessel, que j'ai lu peut-être vers 9 ans, 10 ans, où là, pour la première fois, j'ai eu envie de voyager, quoi, et d'aller au pied du Kilimandjaro, et de vivre une histoire forte avec un lion ou une lionne, quoi. Résultat, je suis marié avec une Congolaise. Je me suis pas senti voyageur. Enfin, c'est à partir de la fin de l'adolescence que j'ai eu ce désir de partir. Ouais. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à voyager, d'abord en stop en Bretagne, puis toujours en stop en France, puis toujours en stop en Europe, que je me suis dit « Ouais, c'est chouette le voyage et ça vaut le coup d'aller encore plus loin. » Alors c'est pas parce qu'on voyage qu'on écrit ? Je me suis assez vite dit qu'il fallait trouver un boulot qui me permettrait de voyager. Déjà, très jeune, j'avais ce désir de raconter des histoires. Je suis monté à Paris, j'ai pu faire du reportage assez vite. Et voilà, j'en ai fait beaucoup. Vers les années 2010, où là j'ai commencé à en faire moins, mais c'est là aussi que j'ai commencé à écrire des livres. Pourquoi est-ce que tu as publié un premier livre ? Est-ce que les reportages ne suffisaient pas ? C'est un peu ça, mais ça tombe aussi à un moment où c'était de plus en plus dur de faire du reportage. Les journaux accordaient moins de place dans leurs pages pour des questions d'argent. au même moment, je me suis séparé de la fille avec qui j'avais vécu pendant 10 ans. Et j'ai eu un petit vide, quand même. Et au bout de quelques semaines, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Là, j'avais un temps long devant moi. J'étais parti avec un peu d'argent, donc j'avais de l'argent. J'ai regardé un atlas. Assez vite, ça s'est porté sur l'Afrique. Et là, j'ai repensé au lion de Joseph Kessel. Donc, j'ai pensé aller au pied du Kilimandjaro, que j'ai finalement escaladé, d'ailleurs. Donc, toujours en regardant cet atlas, je me suis dit, mais voilà, en plus, comme j'étais breton, partir de l'océan, c'est bien, mais arriver au bord de l'océan Atlantique, c'est mieux. Donc, je m'étais dit que j'allais traverser l'Afrique, d'est en ouest, partir de Zanzibar et arriver sur l'embouchure du fleuve Congo. Bah, ce voyage a duré un peu plus de 3 mois. Et j'étais parti en me disant, voilà, enfin un voyage où je vais pas être obligé de ramener un texte. Parce qu'en reportage, tu pars quelques jours ou quelques semaines, mais tu dois très vite ramener un texte. Et j'étais très content d'avoir cette liberté de juste voyager, quoi. Le nez au vent. Je suis réveillée un jour en me disant oh, je vais avoir 33 ans dans pas longtemps. 33, c'est presque l'âge d'homme, c'est l'âge adulte. Moi, j'ai envie de continuer. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux vivre ce passage-là à un âge sérieux? Et du coup, j'ai décidé tous les 11 du mois jusqu'au 11-11, qui était ma date fatidique de passage aux 33 ans. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller jouer ailleurs avec d'autres musiciens, faire des choses que je maîtrise pas. Donc, je suis partie chaque mois dans un lieu différent, rencontrer un musicien différent, faire une histoire ensemble en chanson. Et c'était des gens que j'avais parfois jamais rencontrés. On m'a donné un contact et je suis allée en Finlande, en Géorgie, en Allemagne, en France aussi, écrire une chanson de rap, de folk, plein de choses différentes. Et on en faisait une histoire avec des images, un clip qu'on auto-réalisait. Donc je posais ma caméra, je me mettais devant, on enregistrait le son sur mon Zoom H4 et je le faisais mixer en France par un ingénieur du son qui s'arrachait les cheveux. Voilà, c'était, j'ai pas vraiment réfléchi. Est-ce que tu te souviens d'un de tes morceaux lors de ton tour du monde Ce dont je me souviens doit plus être tout à fait du géorgien, mais dans ma tête, ça faisait quelque chose comme Meahuit Nopchen Squehan Asmagrame Squehan Ashenhar Shentualev Sitchati Ruli Memudam Shentanawar. Et en français, c'était Peu importe où l'on va, tu m'expliqueras plus tard. Ton pays, je connais pas, mais ce pays, c'est toi. Voilà, après, il y avait du finlandais, mais alors là, vraiment. Je ne sais plus, il faut aller voir sur YouTube, c'était il y a quelques années, j'ai complètement oublié. Et tu sais, j'avais des petits carnets. Moi, j'écrivais le texte en anglais avec eux, ensuite ils le traduisaient, et je l'écrivais phonétiquement pour être capable de l'enregistrer. Donc c'était, avec ma mémoire, autant dire que vraiment, ce sera plus du tout du finnois. Mais c'était drôle, ça faisait partie vraiment de l'acceptation de ne pas savoir faire et de faire quand même. Je prends des notes, soit sur un carnet, soit sur mon smartphone, vite fait. Alors l'inconvénient, c'est comme j'écris vraiment très très mal, parfois j'ai du mal à relire mes propres notes. Je prends aussi des notes visuelles en prenant simplement des petites photos avec mon téléphone. Je pars plus avec un appareil photo parce que je suis un piètre photographe. Et je crois qu'on peut pas faire les deux choses bien à la fois, prendre des photos et écrire. Donc les photos que je prends, c'est vraiment pour, dans l'action, me souvenir d'un visage, d'une scène visuelle tout simplement. Et je peux m'en servir après pour recréer la scène littérairement. Comme à la base j'ai une formation de journaliste, il y a quand même un truc sur la rigueur de l'information très factuelle qui... Oui, je fais attention quand je parle d'un lieu, j'essaye de noter correctement à la fois l'orthographe des personnes et des lieux. Après, quand on est dans le littéraire, on a l'immense avantage de pouvoir coller roman ou récit sur son livre. Et donc, j'ai écrit certains romans de voyage qui sont réels, vécus, autobiographiques à 95%, mais où je me suis permis d'adapter parfois la réalité, et en collant l'étiquette roman sur le livre, on est honnête avec le lecteur, tout n'est pas vrai, et ça nous offre une liberté dans la mise en scène des événements. Après, j'ai écrit d'autres livres qui sont des récits, qui sont présentés comme tels, donc c'est plus proche du documentaire ou du reportage dans la presse. Et là, pour le coup, si on veut être honnête avec son lecteur et avec le sujet dont on parle, il faut être rigoureux, surtout quand on n'a pas le droit de mentir, quoi. Dans le roman, on a le droit de mentir. Dans le récit, non. « J'ai toujours des carnets. J'ai pris l'habitude de toujours avoir des carnets sur moi. Donc j'ai pas amené grand chose dans mon sac, mais j'avais des carnets. Et je notais notamment les expressions, ce que les gens me disaient en fait. Et en plus, au Congo, où on parle français, il y a une inventivité dans la langue qu'on peut retrouver dans d'autres pays d'Afrique. Mais au Congo, elle est top, quoi. Finalement, j'apprenais beaucoup aussi sur la langue en écoutant les Congolais. Qu'est-ce qui fait que ces écrits, ces témoignages journalistiques soient devenus une œuvre littéraire? Alors là, je sais pas. D'ailleurs, ce livre, je l'ai écrit sans la prétention que ce soit plus qu'un reportage, finalement. Mais bon, j'avais plus d'espace, quand même. Et puis, mine de rien, je parle de moi donc dans ce livre. Donc, dans ce livre, je dis ah oui parce que je qui fait oublier, Le Baobab de Stanley, qui est sorti en 2009 aux éditions François Bourin, qui est ressorti en poche par la suite. Effectivement, je parle de ma position d'occidental qui débarque en Afrique. Je me place volontairement comme un naïf, enfin quelqu'un qui n'avait quasiment pas voyagé avant. Et j'essaye d'aborder les problèmes de manière universelle, quoi. Mettre en perspective le désir du voyage, d'être confronté à des situations inconnues. Et puis c'est aussi l'histoire d'un mec qui, le temps d'un voyage, pose les bases de la suite de sa vie, quoi. Je pense qu'il ne faut pas être frileux, il faut être un tout petit peu intrépide, un minimum. Julien Blangrin. Pour partir à l'autre bout du monde sur un territoire qu'on ne connaît pas seul, ce que je fais la plupart du temps, ça demande un peu de courage, je pense. La première fois, quand on est gamin ou 23 ou 24 ans, la première fois que je suis parti seul dans un pays vraiment différent, à savoir le Mexique, oui, j'avais une certaine appréhension. Et puis j'ai découvert l'incroyable bonheur d'être seul dans un endroit qu'on ne connaît pas, ce qui est la découverte tout simplement de ce principe de liberté qui fait que tu peux aller où tu veux sans demander l'avis de personne. Et de te redécouvrir toi-même, te renouveler loin de tes bases. C'est-à-dire quand tu es extrait du regard social habituel. Il ne s'agit pas de s'inventer un personnage, mais le simple fait d'être confronté à une réalité différente fait de toi quelqu'un d'autre. Je vais citer de mémoire, je crois, Jacques Brel qui disait que le plus dur, c'était pas d'aller à Hong Kong, le plus dur, c'était de faire les démarches, d'aller à l'aéroport pour partir à Hong Kong. Une fois qu'on est à Hong Kong, tout va bien. Les Tanzaniens que j'avais rencontrés au début de mon voyage m'avaient dit que c'était même pas la peine d'essayer, que c'était pas possible de traverser l'Afrique jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo. Donc mon voyage en Tanzanie s'est arrêté sur les rives du lac Tanganyika, et en face il y avait le Congo. Je voyais ce pays assez mystérieux, j'avais pas du tout préparé mon voyage, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je savais que c'était à cet endroit-là, en tout cas, c'était une immense forêt traversé par un immense fleuve. Donc j'ai traversé de nuit le Tanganyika, je suis arrivé à l'aube au Congo, et j'ai tout de suite senti qu'il allait se passer quelque chose avec ce pays. Je me suis senti bien et en même temps tout excité. Bah, il y avait le sens de l'humour des gens. En fait, tout m'a plu. Je sais pas, leur présence, leur disponibilité, leur astuce aussi, leur débrouillardise, leur courage. Et ça, je l'ai senti dès le premier jour, quoi. Et donc, à partir de Kalemie, il a fallu rejoindre le fleuve Congo. Finalement, j'ai pu faire de l'avion stop qui m'a déposé à Kindu. C'est pas une petite ville, mais il n'y a pas de voiture, par exemple. C'est une de ces grandes villes du Congo, enfin assez grandes villes, où les gens vivent un peu en marge du reste du monde. De là à Kindu, j'ai trouver une pirogue qui allait jusqu'à Kisangani. On a voyagé pendant une petite semaine au rythme, au flic-floc de la pagaie. De jour comme de nuit, on entendait les oiseaux, on a même entendu des chimpanzés à un endroit. On était en randonnant dans cette pirogue. On avait très très chaud la journée. Mais il y avait une douceur dans ce voyage, puisque contrairement aux autres moyens de transport, c'est très doux. C'est considéré comme un transport en commun au Congo. Et puis alors, ça devient important là. Puisque en arrivant à Kisangani, il y avait un cybercafé. Et là, il y avait une jeune fille très souriante Bélange, qui, pour payer ses études, travaillait dans ce cybercafé. Elle écrivait des histoires stylobiques sur ses cahiers de brouillon. Donc moi, ça m'a enthousiasmé. Non, ça m'a... Enfin bref, je suis tombé amoureux d'elle, quoi. Alors, il s'était rien passé pendant ce premier voyage. Hein. On se voyait assez souvent. J'ai dû attendre longtemps, en fait, à Kisangani, qu'une barge trouve suffisamment d'essence pour rentrer à Kinshasa. Du coup, je suis resté 2 semaines à Kisangani, où je voyais Bélange presque tous les jours. Et je lui ai dit que j'allais essayer d'éditer ses livres. Et c'est comme ça qu'on a gardé un contact. Et on s'est mariés 3 ans après. Et pour terminer mon voyage, j'ai continué en barge en faisant des stops. Mais j'ai continué en barge jusqu'à Kinshasa. Et après en voiture jusqu'à Boma, donc sur l'embouchure, sur l'estuaire du fleuve Congo. Au retour, le Congo m'avait donné tellement, ça avait guéri tout. C'est ce Congo-là qui m'a motivé pour me lancer dans mon premier livre. Ingrid, tu pars t'installer à Istanbul dans quelques semaines. Tu vas souvent en Turquie, tu vas souvent dans des pays autour de la Méditerranée. Qu'est-ce que tu as rapporté comme mot, comme phrase dans ta littérature, dans ton verbe de cette région ? C'est-à-dire comme influence de la langue. Ce serait présomptueux de ma part de dire que j'ai rapporté quelque chose de ce langage, parce que tout simplement j'ai très peu appris ces langues-là, je les baragouine, mais on peut pas dire que je les parle. En revanche, il est certain que depuis que je voyage, et ça je le dois aussi à mes parents, donc ça remonte aussi à l'enfance, la première fois que je vais à Istanbul en Turquie, j'ai 6 ans, ce que j'ai intégré, assimilé, j'espère, qui vient de là-bas. C'est un rapport aux autres très différent du nôtre. De fréquenter plusieurs langues, ça permet d'avoir une réflexion sur ma propre langue. C'est peut-être ça plutôt que ça fait. Je ne vais pas inventer une réponse comme quoi oui, la poésie persane m'influence beaucoup. Non, ce serait faux. Néanmoins, ça me rend... je pense que ça me rend encore plus consciente de ma propre langue et donc de ce que j'en fais. Ce qui est rigolo, c'est que même les langues que j'ai beaucoup oubliées, par exemple le hindi, j'ai fait du hindi à la fac il y a 20 ans, autant dire que j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, mais je sais encore lire. C'est un alphabet différent, le hindi. Donc ça, c'est amusant, ce qu'il en reste aussi par rapport à la graphie. Et dans mon quotidien, j'ai des expressions qui me viennent dans certaines langues. Parce que sans doute, je les ai apprises dans un contexte très précis, et dès lors que ce contexte revient... Ce qui va jaillir dans ma tête, alors si je suis quelqu'un qui comprend, je peux le dire dans cette langue, et puis sinon ça reste pour moi, mais ça va jaillir dans telle ou telle langue, ouais. Oui, les situations, certaines situations sont gravées en moi. Richard Guettet, pour écrire, est-ce que vous avez besoin de vous mettre en scène ? Est-ce que vous avez besoin de vous mettre en position d'aventure ? Je me rends compte que pour ce qui est des derniers livres, donc les 2 derniers livres, donc celui sur Rimbaud, qui s'intitule Rimbaud Warriors, Rhapsody pour Bohémien, il a fallu, pour pouvoir parler de Rimbaud de manière non classique, non universitaire, marcher dans ses pas, c'est-à-dire refaire sa 2e fugue, celle la plus importante d'ailleurs, quand il a 15 ans, 11 mois, et qu'il se tire 1 mois de Charleville-Mézières jusqu'en Belgique, justement pour pouvoir... comprendre sa vie et comprendre sa poésie. L'idée, oui, c'était de se mettre physiquement, physiologiquement quasiment en position de comprendre tout ça, de sentir le territoire, les odeurs, le long de la Meuse, les forêts des Ardennes, parce que j'ai l'impression que si je m'étais contenté d'épuiser des biographies pour reprendre les images des autres, c'est qu'un livre de plus et ça sert à rien. Donc... oui, et en plus, je pense que entrechoquer le récit de sa vie à lui et ce qui m'est arrivé, et j'étais pas tout seul, donc ce qui nous est arrivé 150 ans plus tard, enfin 148 ans plus tard, souvent il y a des contrastes assez drôles, donc ça nécessite une mise en scène. Et de la même manière, sur le livre précédent qui s'appelle Tête en l'air et qui je raconte à l'intérieur comment j'ai réussi à ma grande surprise à faire l'ascension du Mont Blanc alors que j'ai aucune expérience de la montagne et que je fais jamais de sport, bah, la mise en scène était indispensable puisque c'est un récit d'initiation à l'alpinisme et c'est au fil de cet apprentissage méthodique, peureux, maladroit de tous les gestes et de toutes les techniques minimum pour pouvoir envisager l'ascension du plus haut sommet d'Europe que je pense que je produis un récit d'aventure au sens contemporain, c'est-à-dire conscient de l'exemple des aînés, mais conscient aussi de mes limites, de comment dire, sans vouloir enjoliver la réalité. Hein, voilà, l'aventure, on peut, il faut pas aller très loin pour l'obtenir. Hein, pour le coup, Chamonix, c'est à 5 heures de Paris, un train. Et je suis déjà dans une situation de danger mortel et de dépassement de mes propres limites et de voilà. Mais ouais, ça passe par une mise en scène de soi et un don de soi. Il y a une phrase vraiment que j'adore du fils de John Fante, Dan Fante, qui est aussi un écrivain américain qui a publié de nombreux recueils de poèmes, de nombreux romans. Et il dit que peu importe ce que vous ayez à écrire, il faut se découper un bout de bidoche, vraiment un morceau de son propre ventre, de ses tripes, et de le jeter sur la page. C'est un peu romantique, c'est un peu exagéré, mais dans l'idée, je pense quand même qu'il faut y mettre du sien physiquement. Il faut aller voir. Voilà. Et c'est toujours fertile, il se passe toujours quelque chose de mieux, de nouveau, en allant voir. J'ai conscience que tout ce que je lis me nourrit et m'influence, ça c'est certain. Ingrid Taubois. Ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire que ces influences-là et ces nourritures-là, elles se déposent nécessairement quelque part en moi. Après, pour reparler de mon premier roman, je pense là qu'il y avait vraiment une influence. Ça m'est arrivé à une époque de dire presque du plagiat inconscient. C'est-à-dire que j'ai écrit ce roman, j'avais 23 ans, 24 ans. J'étais tellement encore à ce moment-là influencée par Bouvier sans avoir encore pris de recul, ce que j'espère avoir fait par la suite. Mais ça se jouait, c'était une influence par rapport au regard, mais qui reste aujourd'hui. Bouvier m'a appris à regarder aussi. La lecture de Bouvier a aussi produit ça chez moi. Donc finalement, mon regard aujourd'hui, oui, il reste influencé par Bouvier au sens de cette école du regard qu'il a été pour moi. Ce qu'il y a dans mon premier roman qui a plu aujourd'hui, c'est par exemple dans le premier roman, je pense que parfois, au rythme près des phrases, on retrouve des choses de l'écriture de Bouvier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe quand on est sous perfusion d'un auteur. Francis Ford Coppola, le cinéaste, en masterclass, un jour, il faisait un cours de cinéma à la Cinémathèque et il racontait que lui, il avait beaucoup pompé à Balzac, Richard Guettet, pour organiser ses propres scénarios. Et il disait, mais j'ai vraiment aucun problème avec ça, il suffit de voler au meilleur. Parce qu'en fait, les grandes techniques narratives, elles ont à peu près toutes été posées. Faut pas voler au tocard, en fait. Faut s'appuyer pas sur les mauvais auteurs, voilà. Mais après, bon, bah tant pis, c'est comme ça. Faut assumer, c'est tout. Est-ce que vous sentez le poids lorsque vous écrivez de ces écrivains ou poètes connus ? Dans le cas de Rimbaud, vu que c'est un génie indéniable et sur certains points indépassable, je me suis plutôt dit que j'allais pas relever le gant. Mais en tout cas, de pouvoir dans l'œuvre, qui est pas très longue, hein, c'est 5 ans d'écriture, de 15 à 20 ans, les œuvres complètes font moins de 100 pages. Enfin, il y a énormément de choses que je trouve hallucinantes. Je vois aussi les endroits où c'est plus faible, et je suis capable aussi d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Mais on vient tous de la tradition de l'Odyssée, quoi. Enfin, on est des petits-enfants d'Homère, et on essaye tous d'en faire des Odyssées. À différents niveaux, hein, ça peut être au coin de la rue. Une fois, quelqu'un m'a dit qu'il existait deux sortes de livres, les Iliades et les Odyssées. Les Iliades, c'est des livres qui racontent un combat, intérieur ou extérieur, et les Odyssées, des livres qui racontent un voyage. Donc effectivement, moi j'écris plutôt des Odyssées. Qu'est-ce que c'est, Ingrid, la caste des écrivains voyageurs ? C'est une société secrète. Non, je sais pas. Après, je veux pas non plus. Je veux vraiment pas apparaître comme surplombante ou comme portant un jugement. Simplement, comme le dit d'une manière rigolote Anne-Marie Jaton, qui est suisse, qui a beaucoup écrit sur Nicolas Bouvier, qui a été prof de fac à Pise en Italie, elle dit on peut pas comparer un globe-trotteur et un poète. Bon, voilà, c'est simplement ça que je dirais. C'est-à-dire que Nicolas Bouvier, Bien sûr, il a voyagé, il ne s'agit pas de dire l'inverse, mais il a avant tout écrit. Et c'est un écrivain indépendamment de cette matière, en effet, qui est la sienne et qui est très souvent le voyage. Mais voilà, dans écrivain-voyageur, je pense que le terme de voyageur pèse bien plus lourd que le terme d'écrivain. Et raconter ce qu'on a vécu, l'écriture, c'est pas ça. La littérature permet de faire revivre une expérience, de réactiver quelque chose au présent. C'est pas juste raconter ce qu'on a fait. Je mettrais plus Ella Maillard, par exemple, dans cette catégorie. Et je le dis en toute tranquillité, puisque Ella Maillard elle-même disait que l'écriture, non seulement était un cauchemar pour elle, mais qu'elle n'était pas douée du tout là-dedans. Et Blaise Sandrard, à qui elle avait envoyé un de ses livres, je suis en plein dedans parce que j'ai écrit une bio pour enfants d'Ella Maillard qui va sortir en septembre. Sandrard, à qui elle a envoyé un de ses livres, lui a dit « il est super votre livre, enfin, il serait très très bien, simplement s'il était écrit. Venez chez moi, je vais vous apprendre. » Et elle lui aurait répondu « Non, j'ai mieux à faire, moi je voyage. » Alors évidemment, il y a le cliché de l'écrivain, grand reporter, baroudeur avec le gilet à poche qui se la pète. Mais j'en croise pas tant que ça. Je trouve que la plupart de mes camarades écrivains de voyage, il y en a beaucoup qui ont une posture qui est assez humble finalement et que je trouve sympathique. Et évidemment, j'aime bien discuter avec ces gens-là et lire mes petits camarades parce que... Comme je suis jamais allé en Arménie ou au Turkménistan, je me régale des aventures de ceux qui y sont allés. Tu parles d'humilité, est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend au fil des voyages ? Au-delà du voyage, quand on écrit, ou je pense dans tout processus créatif en général, il faut trouver le subtil mélange entre la mégalomanie et l'humilité. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut de l'ego pour créer, pour écrire. Mais si on n'est que dans l'ego, on devient vite pompeux et boursouflé, et c'est insupportable. Donc il faut que ce soit contrebalancé par une forme d'humilité qui permet d'être ouvert au monde et empathique. Donc il faut avoir confiance en soi et douter, je crois, pour écrire et j'imagine pour peindre, filmer, etc. Richard Guettet, vous agissez souvent en bande, je dis agissez et non pas produisez. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de toujours être avec votre bande pour créer le prix de la page 111, pour faire l'opération Rainbow Warrior ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin ? Alors d'abord, pour ce qui est de mes livres, le livre, le dernier en date, celui sur Rimbaud, c'est la première fois que je suis vraiment littérairement en bande, parce que ça naît du plaisir que j'ai de fréquenter ces garçons et ces filles qui sont pour l'essentiel tous auteurs. La plupart d'entre eux, ce sont mes meilleurs amis, donc c'est juste le plaisir d'être ensemble. On est heureux de se voir, et c'est si joyeux de faire exister... un esprit collectif. Alors là, pour le coup, nous, c'est un esprit de non-sérieux, c'est une manière d'envisager la littérature de manière non-solennelle, sans se prendre au sérieux, comme si la littérature était sur une espèce de piédestal inaccessible, réservé à une élite très cultivée. Non, on adore se raconter des histoires, on adore partager les livres et écouter le récit des aventures de chacun, aussi bien à Barbès que au Kiribati, au milieu du Pacifique. Enfin, donc, grosso modo, je me dis, ces garçons et ces filles, ces hommes et ces femmes qui m'entourent et qui sont mes potes, j'ai plutôt envie de donner ça à mes auditeurs et en l'occurrence récemment à mes lecteurs. C'est de me dire, c'est des personnalités trop géniales et c'est pas un mouvement littéraire, c'est pas du tout parce qu'on a des écritures qui ont des points communs mais qui sont parfois aussi différentes, mais c'est simplement, c'est tellement chouette d'être ensemble, on est plus fort ensemble, c'est aussi des personnages... de romans ou de livres, vraiment c'est génial de les décrire hein, parce que je les aime en fait, c'est simplement c'est chouette comme ça, et aussi c'est une manière de réagir à la solitude de l'écriture, parce qu'en fait c'est un cliché mais c'est vrai, un bouquin c'est des mois ou des années où on est tout seul face à sa copie, tout seul face à son ordinateur et ou sa page pour ceux qui sont encore en train d'écrire des livres à la main, et c'est un processus solitaire. Alors s'il y a un moment où on est dans le collectif, on est dans la bande, on est dans la ribambelle d'actions, de paroles, d'histoires, de conneries et tout. Enfin, c'est un moment joyeux en fait, parce que après, il va y avoir des mois de tout seul. Comment j'organise toutes les histoires recueillies et du coup, si on a le souvenir déjà qu'il y a eu un moment où j'étais pas tout seul, on se sent moins seul à la lumière de la bougie. vous voulez qu'on descende dans ce parc bien, de Belleville. On est pas mal. On est pas mal. En plus, on a vu surtout absolument une vue privilégiée sur tout Paris. La Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, on voit tout ça. Comment je voyage à Paris ? Je me promène dans les rues avec la tête en l'air. En fait, j'essaye d'être ouvert à ce qui se passe. Toujours garder le côté observateur, mais ça, c'est pas un processus conscient, hein. C'est une façon d'être. Et après, quand je rejoins mes quelques camarades écrivains voyageurs, notre façon de voyager, on se dit pas vraiment qu'on voyage, hein. On se retrouve pour boire un coup, et puis on voit où part la conversation, et puis on part d'un certain point, et on peut se retrouver totalement à un autre point, à la fois dans la conversation et géographiquement. Vous avez créé avec une petite bande le festival de la Saint-Milou, je crois, le festival surprenant sédentaire. Alors c'est le festival des épatants sédentaires, et qui est donc évidemment une sorte de parodie du festival des étonnants voyageurs, qui tient sur un principe absolument absurde. Ça parle de la littérature, de gens qui restent chez eux dans leur chambre en peignoir et en charentaise. C'est pas vraiment un festival, hein. C'est une émission de radio qui a eu lieu deux fois sur Radio Nova. Dans l'émission La Nova Bookbox de mon ami Richard Guettet, à laquelle j'ai participé juste le temps d'une petite chronique. Est-ce que vous êtes sérieux ? On essaye de faire sérieusement des choses pas forcément sérieuses. Mais moi, je fais ça pour rencontrer. Ouais, Sandra Raffler. Tu vois, à un moment, j'ai écrit un roman il y a quelques années. Enfin, il n'y a pas quelques années, il y a deux ans, hein, en 2017, et j'ai trouvé que c'était une expérience de la solitude extrême. Être face à mon écran pendant des mois, toute seule, en ayant pris des choses du monde, bien sûr, mais en étant toute seule à les écrire, les retranscrire, les traduire, j'ai trouvé ça super violent. Et c'est pas ma façon de travailler. J'adore rencontrer et faire à plusieurs. Et du coup, dans ce projet-là, mais comme quasiment tous les autres, je fais d'abord écrire les gens. Alors écrire, c'est un grand mot. Raconter leur histoire. Parfois, ça passe par la parole. Je fais un travail aussi de dédramatisation ou de désacralisation de la langue, parce que c'est des gens qui sont pas toujours à l'aise avec l'écrit, avec le français dans les pays francophones, mais même avec l'anglais ou une autre langue. Du coup, il y a tout ce travail d'abord de mise en confiance où je leur dis, c'est pas parce que tu sais pas écrire que t'as rien à raconter. Donc, comment est-ce que on joue ensemble pour être à l'aise, se faire confiance? Et ensuite, c'est moi qui écris leurs histoires, mais je suis comme, je suis un traducteur, quoi. Je suis une plume. Est-ce que tu provoques des voyages pour écrire aujourd'hui ? Alors, c'est arrivé pour mon dernier livre qui s'appelle Samouraï dans la brousse. Guillaume Jean. Et c'est même pas moi qui l'ai provoqué, c'est les éditions Paulsen qui ont une collection qui s'appelle Démarche. Et dans cette collection, ils invitent des écrivains à faire un long voyage, enfin un voyage exceptionnel, disons, et à le raconter. Et donc, ils m'ont contacté. J'aurais proposé une histoire qui parlerait des bonobos, notamment parce que j'avais envie de retourner au plus profond de la jungle congolaise. Et pour éviter de parler que de moi, j'ai aussi trouvé un personnage comme je les aime bien, une sorte de Don Quichotte, qui est Takayoshi Kano, le premier primatologue à s'intéresser au bonobo. C'est un japonais, il est parti en 1973 avec très peu de moyens. Son labo, c'était l'université de Kyoto, lui avait donné très peu de moyens pour essayer de trouver déjà s'il existait encore des bonobos au Congo, puisqu'il n'avait jamais été étudié sur place, parce que on a fait très tard la différence entre les bonobos et les chimpanzés. Il y a eu les indépendances au début des années 60. Enfin, pour le Congo, c'est en 1960. Indépendance suivie de nombreux troubles qui ont rendu le pays peu visitable. Et Takayoshi Kano donc est parti à vélo pendant plusieurs mois à sillonner la jungle, à essayer de chercher déjà des endroits où on pouvait encore trouver des bonobos. Et puis, l'idée, c'était de trouver un village où il pourrait installer une base sur la longue durée pour observer le comportement des bonobos sur le très long terme. Et d'ailleurs, cette base existe toujours, ça fait 46 ans. Takeishi Kano ne voulait plus parler de lui. Il existe très peu de matière sur sa vie, en fait. C'est quelqu'un qui est resté discret tout du long, alors qu'il a, au début des années 70, ses recherches sont très importantes. Finalement, ce qu'on sait sur les bonobos, c'est grâce à ses premières recherches. Guillaume, tu as dû inventer sa vie, puisque tu avais peu d'éléments à... Je connaissais même pas exactement la route qu'il avait prise pour arriver finalement jusqu'à ce village de Wamba. Et puis, finalement, le fait que je sois allé jusqu'à Wamba, donc finalement, il a accepté de me rencontrer. Et quand je suis allé à Wamba, j'ai rencontré des étudiants qui travaillaient sur les bonobos, puisque depuis 1973, il y a presque tous les ans, il y a des équipes de Japonais qui viennent observer les bonobos. Et j'y suis allé donc en 2016. Aller en pirogue, j'aime bien la pirogue. Et je suis allé voir les bonobos dans la forêt. C'est aussi un moment très fort. C'est peut-être le moment qui m'a le plus emballé de tous mes voyages. Cette rencontre avec les bonobos. On était parti avant l'aube pour les cueillir, entre guillemets, à la sortie de leur nid, parce que les bonobos se font des nids dans les arbres pour la nuit. Et donc, ils se sont réveillés un à un. Et je les ai vus sortir la tête du nid, s'étendre, bâiller, pisser du haut d'une branche, se parler, et puis se réunir, et puis commencer à prendre leur petit-déj, c'est-à-dire aller cueillir les fruits qu'il y avait autour. Et c'est, ouais, ça m'a vraiment bouleversé de voir cette beauté, quoi. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai été pompette à Papette, j'ai vu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'ai dit sur tard à Bogota, et les calculs à Calcutta. À moi faut pas me raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas me raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran, et au sauna à Sahana. J'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à Lourdes. J'ai été lourde et à Lourdes. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin. J'ai été gentil à Port-Gentil. Merci à Guillaume Jean, Ingrid Taubois, Julien Blangrand, Richard Guettet, Sandra Rinfret, Estelle Nollet. Racontez le monde, la littérature d'aventure est au coin de la rue. Un documentaire d'Arnaud Contreras pour la série documentaire France Culture. Réalisation Jean-Philippe Navarre. Mixage Alain Joubert. LSD, à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter sur la plage, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, le magazine actuel de la route au grand reportage. Mais en attendant, restez à l'écoute.